bonheur dans les rangs des écoles, on apprend à entrer dans la ronde, à marcher comme tout le monde. Plutôt que de se faire remarquer, on préfère recopier avec soin les bêtises du voisin. Panure, je traîne à bord aujourd'hui, ces moutons font encore des petits. Taillez un peu moins long vos bas de pantalon, surtout restez branchés, demain tout peut changer. Ça y est, la mode passe, une autre la remplace, et le troupeau reprend ses pattes d'éléphant. Dans un excès de zèle, le public du SL va faire entre deux bières du sport à sa manière. La foule gueule à mort, c'est nous les plus forts du terrain, mais aussi des gradins. Panure, je traîne à bord aujourd'hui, ces moutons font encore des petits. On s'accroche au mirage, on attend le tirage du loto, tout comme si on nous guettait le messie. Rien ne sert de savoir qu'il est plus vain de croire toucher le millionnaire que les miches à Schiffer. Panure, je traîne à bord aujourd'hui, ces moutons font encore des petits. La moindre star excelle dans l'art d'être un modèle, dernier venu des States, le culte de Bill Gates. Que Madonna gigote, qu'elle perde sa culotte, aussi sec dans le rock, tous vont baisser leur froc. Un jour l'air désolé, on nous dira: allez, vite faire votre prière, c'est l'heure de la dernière. À vos abris, pas de bol, les missiles sont en vol. Hélas, ni vous ni moi ne comprendrons pourquoi. Panure, je traîne à bord aujourd'hui, ces moutons font encore des petits. Panure, je n'ai pas mort mes amis, ces